La crise à Serendib par Abel Herman. En ce temps-là, comme aujourd'hui, l'Asie oublia souvent qu'elle était le berceau de la civilisation et se piqua d'imiter les mœurs, surtout la politique de l'Europe. De même, on voit chez les particuliers, les enfants, par point d'honneur, ne rien faire comme leurs parents, et ces pauvres parents copier tant qu'ils peuvent leurs enfants avec une touchante maladresse. Le royaume de Serendib, si petit qu'il craignait de passer inaperçu, donnait toujours le signal de ses nouveautés à l'instar de l'Occident. Jamais on ne vit royaume être dans le train autant que celui de Serendib. Le modèle qui fascinait plus les naturels de ce pays était une nation de là-bas, que l'on disait maîtresse des mers et qui possédait un immense empire colonial, mais dont le territoire métropolitain était une île, tout comme Serendib. C'était même un ensemble de deux îles, mais qui s'accordaient si mal que mieux vaut ne pas mettre le doigt dans le canal qui les sépare. Le grand peuple en question était si attaché à ses princes qu'il avait trouvé moyen de faire une révolution sans les renverser et d'instituer un gouvernement démocratique sans abolir le pouvoir royal. Ce fut grâce à un système appelé parlementaire, qui procurait aux fidèles sujets du souverain l'illusion d'être souverains eux-mêmes. On était alors fort entiché de la liberté, dont nul présentement ne se soucie plus. Rien ne pouvait plaire davantage que ce système parlementaire aux indigènes de Serendib, qui adoraient leur bon roi Nabussan, mais qui voulaient être citoyens, souverains et libres comme tout le monde. Ils supplièrent, ou sommèrent sa hautesse, de leur octroyer une charte et de créer deux chambres, l'une basse, l'autre haute, dont la première fut élue au suffrage universel et la seconde au suffrage restreint. Nabussan était fort jaloux de ses droits, qu'il pensait tenir de la divinité. Le parlementarisme, encore qu'il ne sût pas trop ce que c'était, lui semblait une chose abominable, et il se fit longtemps tirer l'oreille, si l'on ose s'exprimer si familièrement. Il aura même résisté jusqu'au bout, par principe, dût-il y perdre son trône. Mais Zadig lui parla raison. « Sire, dit ce sage ministre, donnez-leur donc ce qu'ils vous demandent, sinon ils le prendraient. En cédant, que risquez-vous? Il n'en sera ni chaud ni froid. »« Ce que je risque ? » s'écria Nabussan, « je ne veux pas être réduit à une autorité nominale. C'est précisément, dit Zadig, l'autorité nominale que vous sacrifiez. Vous gardez l'autre, qui se l'importe. Est-il bien sûr que je la garde ? » dit le roi. Pour commencer, je renonce au droit de choisir mes ministres, et à celui de les chasser, qui des deux est peut-être le plus utile et le plus agréable. On ne souffrira plus que vous m'aidiez de vos lumières auxquelles j'étais habitué, et je m'étonne que vous me donniez un conseil dont vous serez la première victime. Sire, répondit Zadig sans fausse modestie, c'est que je préfère à ma commodité personnelle l'intérêt de votre hôtesse. Je pense, dit Nabussan, que mon intérêt n'est pas de retirer son portefeuille à un serviteur tel que vous, dont je suis content. Prenez garde que si vous insistez, je vais croire que vous êtes excédé du pouvoir et que vous cherchez une occasion de l'esquiver. C'est assez la mode en ce moment, et je n'y conçois plus rien. Jadis, les candidats aux plus hautes charges du royaume étaient innombrables. Les solliciteurs assiégeaient les portes de ce palais. Quand je les admettais en mon auguste présence, chacun me disait « « Sire, je suis l'homme qu'il vous faut. J'ai de la science, de l'expérience et de l'honnêteté. Mes concurrents sont des ânes, des enfants et des coquins. Aujourd'hui, c'est presque moi qui sollicite. Je dois au moins faire tâter ceux qui ne me paraissent pas trop incapables de devenir mes commis. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes moins avantageusement, ni mieux de leurs rivaux. Ils reconnaissent qu'ils sont de taille à exercer le pouvoir et que les autres y échoueraient pitoyablement. Mais cette considération ne les détermine pas à l'accepter. Ils allèguent, sans mauvais prétexte, leur santé chancelante, leurs études, leurs affaires, la nécessité d'un voyage au pays chaud ou au pays froid. Bref, si je ne vous avais point, mon cher Zadig, l'autorité, puis-je hasarder cette métaphore, l'autorité manquerait de bras. Je dois convenir, repartit Zadig, qu'il y a un terrible abaissement de la moralité politique. Une grande peur des responsabilités et une étrange vague d'égoïsme. En effet, dit Nabussan, chacun ne songe qu'à soi et mes sujets m'aiment bien. Mais pas un seul ne se dérangerait d'une ligne pour m'empêcher d'être foulé aux pieds par un chameau ou bousculé par un palanquin. « Ah, sire !» s'écria Zadig en mettant une main sur son cœur. « J'en connais un qui se jetterait volontiers au feu pour votre hôtesse. »« Qui donc ?» demanda le roi étonné. « Moi, sire !» dit Zadig. « C'est juste !» dit le roi. « Je ne pensais point à vous, mais ne croyez pas que je sois ingrat. La reconnaissance est au contraire une de mes vertus les plus essentielles. « J'allais le dire, » murmura humblement Zadig. « Ma mémoire, » poursuivit le roi, « garde fidèlement le souvenir des services que l'on me devait et que l'on m'a rendus. Mais mon temps est précieux. Ne le gaspillons pas en vains propos. Quel remède, voyez-vous, à cet abaissement de la moralité politique, à cet éloignement des responsabilités et à cette vague d'égoïsme ?»« Sire, » répondit Zadig, « je n'y vois qu'un seul remède, et c'est précisément l'institution de ce parlementarisme qui, bien à tort, rebute votre hôtesse. Elle n'ignore point que les chambres renversent les ministères à la suite d'un débat. Ceux qui, au cours de ce débat, ont pris ouvertement parti contre le cabinet, sont tous désignés pour lui succéder s'il tombe, et ils ne peuvent quasi point se dérober. Une fois qu'ils sont en place, ils y prennent goût, et s'y tiennent mordicus, jusqu'au jour ou d'autres les en précipitent, qui ne peuvent aussi faire autrement que de recueillir leur succession. C'est ce que l'on appelle le libre jeu des institutions parlementaires. Ce mot de jeu séduisit le roi qui aimait fort de se divertir. Il octroya soudainement tout ce qu'on lui demandait. Les élections eurent lieu et amusèrent fort Nabussan, car durant la période électorale, les personnages les plus considérables du royaume se traînèrent les uns les autres dans la boue, et le roi prit sur les lits de ses sujets quantité de petites histoires que ne lui avait point révélées sa police. Elles étaient peut-être inventées de toutes pièces, elles n'en étaient pas moins gaies. Les chambres s'étant réunies, le roi consulta les chefs de groupe et en reçut des avis si différents, si inconciliables, qu'il put n'en faire qu'à sa tête et, comme de coutume, écouter le sage Zadig. Il n'eut point trop de peine à constituer un ministère de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qui ne représentait rien à force de tout représenter. Zadig n'avait point voulu en faire partie, mais demeurait conseiller secret de sa hôtesse. Les institutions parlementaires commencèrent dès lors de jouer librement. Le ministère était interpellé une fois par semaine et s'en tirait avec des majorités invraisemblables. Puis un beau jour, le président du conseil, qui avait trop chaud, pria que l'on ouvrît une fenêtre. Un député de l'opposition qui était enrhumé pria qu'on ne l'ouvrit point. Une discussion confuse s'ensuivit. Le président posa la question de confiance et le ministère n'eut pour lui qu'une minorité ridicule. « Qui vais-je appeler ? » dit le roi embarrassé. « Qui a jeté bas mes ministres ? » ?»« Hélas, personne, » dit Zadig. « Ils sont tombés sans débat indicatif et quasiment tout seuls. Je n'avais point prévu ce cas-là. » Heureusement, l'opinion publique, moins incertaine que le Parlement, témoigna qu'elle ne voulait plus d'hommes de second plan et exigea le retour de Zadig aux affaires. Nabussan, qui avait un peu l'esprit de contradiction, feignit de ne pas entendre ce qu'on lui suggérait. Enfin, il appela Zadig, mais à contre-cœur, et Zadig, qui s'en aperçut, refusa d'abord le pouvoir. Cette manœuvre lui donna une grande autorité, et sur le prince et sur les chambres, lorsqu'après une journée entière, il se laissa fléchir en soupirant. C'était La crise à Sérendib par Abel Hermant.